micro parce que je vois que vous en avez marre. Ça y est, tout le monde s'arrête. C'est de ma faute. Oui. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? On m'entend plus? Comment ça? Tu parles du micro ou de la basse? Mais j'ai pas d'écho. Ah, c'est bien. Ouais, mais c'est horrible. C'est pas vrai, c'est horrible. Encore? Y'a plus là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu vas entendre ma voix qui est horrible quand elle passe. Je peux pas la régler, la reverb, c'est comme elle est ou pas. Il n'y a que le délai que je peux régler. Je déteste ma voix, c'est horrible. Donnez-moi une corde. Summertime. J'ose même pas faire un record parce que quand je réentends, je me dis laisse tomber, arrête de chanter. Ceci dit, ça fait 4-5 ans que j'ai arrêté le conservatoire de chant et j'ai tout perdu. Bon, ça joue bien! T'es suisse, toi! Allez Chris, t'étais bien parti là. Summertime, and the living it's easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your mind is good looking, so hush little baby, don't you cry. Ouh, j'adore, et toujours à faire des critiques. One of this morning, you're gonna rise up singing, and you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's a nothing come on you. With daddy and mommy standing by. Living is easy. fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's wishing you ma is good looking. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the carpon is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. Melody, very nice. summertime and the living is easy. And you spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning, there's a nothing come on you. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the curtain is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. One of this morning you're gonna rise up singing. And you'll spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning then nothing can harm you. With daddy and mommy standing by. Et il manque une phrase, hein, je l'ai enlevée. Pas facile à la fin. So hush little baby, don't you cry. Ce qui veut dire en français, la traduction. Okay. Summertime and the living is easy. Fish are jumping. The curtain is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. Summertime and the living is easy. Oui, c'est les paroles, ça. And you spread your wings and you'll take to the sky. Voilà la phrase en entière. L'été, la vie est facile, les poissons sautent et le coton est haut. Et ton papa est riche et ta maman est belle. Alors chute petit bébé, ne pleure pas. Un de ces matins, tu vas te lever en chantant. Et tu déploieras tes ailes et tu prendras le ciel. Mais jusqu'à ce matin, il n'y a rien qui puisse nous nuire avec papa en attente. La trompette, un de ces matins, tu vas te lever en chantant. Perdu un pro, on lui a fait peur. Summertime and living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Rwanda. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Il y a quelque chose de bizarre là. Summertime. Non, mais parce que ce n'est pas cette chanson qu'il joue, c'était une copie. Ah. C'est une fausse copie. D'accord. I understand why it's so difficult to sing this song on your ouais. Tout backtrack. Non, avec backtrack. Benjamin. Je suis dans la salle de bain avec Benjamin, avec Benjamin. Non, ça c'est exactement les. Ce sont les paroles. Mais ce n'est pas la chanson qu'il jouait à exactly. C'est pour ça qu'il te manque un truc. Summertime. Such summertime. Such. Alors, est-ce que ça fonctionne, les effets? Et de toute manière, ça ne rentre pas dans les 24. Est-ce que tu as réussi à mettre des effets sur ta voix? Bonjour, Acus Basse. Qu'est-ce que tu fais dans ta salle de bain? C'est pas un backing track, c'est double basse qui la joue. Hi, hi, Acus. L'été, la vie est si facile. Les poissons sautent et le coton est haut. Oh, ton papa est riche et ta maman si belle. Alors chute, petit bébé, ne pleure pas. Non, ils m'ont tout fait enlever, ils ont dit qu'ils préféraient mon horrible voix. C'est une blague entre nous. Tu ne peux pas comprendre, c'est entre DB et moi. Et en fait aussi, il y avait Jean-Luc. Jean-Luc ? C'est qui Jean-Luc ? Jean-Luc. Mais Jean-Luc a disparu. Alors moi j'ai compris ce qui allait pas, c'est que ces derniers temps Jam Tabac ne fonctionne mal. Fonctionne d'ailleurs très tout mal. Ça c'est à cause de Jean-Luc. Sur Ian Ninja, mais ce que j'aime pas c'est la configuration. C'est trop petit. Ah. C'est moche. Moche. Là, c'est quand même plus joli. Hein. C'est écrit en gros, c'est dans des cases. Moi, je te dis, j'avais Jam Tabac qui ne fonctionnait plus du tout. J'ai été obligé de repasser par Rehan in Jam, la nouvelle version, qui a une synchronisation. Donc, du coup, tu peux synchroniser Reaper. Et ça fonctionne bien. Everybody's crazy! Jam Tabac, il y a un problème en ce moment. Enfin, chez moi. Ça rame. Dommage. Ah non, on vient de rentrer un drummer. Un drummer. Acubasse, double basse. Ah. Ah faut c'est normal, il y a trop de monde. 2-12. Yes, Acus. J'espère que ça va mieux marcher parce que la dernière, elle est déconnée chez moi. Putain, j'étais obligé de l'enlever. Nous dominons le monde. Là, impeccable, hein, ça the world. Quand tu cliques sur 5, je sais pas si t'as remarqué, il y a marqué Start Reaper Playback on Next Loop et hop, ça part. Oui. Il pas. En fait, Reaper, j'aime bien. Putain, ça commence à me plaire, Reaper. Sauf ce que je n'aime pas. Ce que je n'aime pas sur Reaper, enfin rien in Jam, oui. C'est le côté chat. Il est moche. Ah oui. Il faudrait que quelqu'un puisse refaire la fenêtre. Il n'y a pas le vote aussi. Il faut toujours écrire. C'est un peu chiant. Dommage. Mais moi, Jam Tabac, mon nouveau Jam Tabac ne marchait pas. Ah. Mais par contre, il y a un nouveau depuis hier. Ah. Est-ce que tu l'as essayé? Pareil, idem. Je suis revenu à la vieille version. Ah. Pas se plaindre, hein. C'est eux qui bossent. Et en plus, il y a un micro maintenant sur le nouveau Jam Tabac. Ah, en haut, là, à côté. Qu'est-ce qu'on glande, putain. J'ai jamais autant glandé depuis le confinement. Mais moi, dans Reaper, je sais pas comment, quand je mets un VST, enfin, une musique, je sais pas comment le synchroniser. Ah. Et pour voter, ouais. Aussi. D'ailleurs, je voulais contribuer, mais je sais pas si je dois contribuer à Jam Taba ou si je dois contribuer à Reaper. À Tom ou à Elizer. Ah. Yeah! Funky! Wouhou! Adza, it's already done. En gold, où ça en gold? Mais à Elizer, mais bon, si c'est plus facile, je peux pas utiliser le nouveau Jambata, il marche pas. Je vais pas payer pour un truc qui marche pas. Vous avez une très bonne idée, ça me fait penser que je vais aller faire un don à Elizer. C'est où qu'on fait ça déjà? Vous pouvez sur Jambata. Compte Gold, c'est pour Reaper, non? Enfin, Reanintam. Je sais pas, parce que... C'est où, d'ailleurs, double basse, si on veut faire un don à Jam Taba? J'aurais pu appeler ça un autre nom, parce que Jam Taba, c'est casse au pied. c'est bon. Musicien, tu peux. Oh, elle a partout, Charles. Attends, je vais te dire. Avant de partir, ça va pas, non, je vais pas vous donner de l'argent. Je t'enverrai un mail. Je sais pas ton mail. Je sais même pas si j'ai un mail et tout. Ok, par Facebook Messenger. Tu me diras ce que tu veux. On a tout au magasin. Dois-je voter ou c'est bon ? Bon, c'est bon. Tête qui tourne avec le son qui va de gauche à droite. Mal de mer. Je vais te mettre en mono. Mon dédain. je faisais autrefois. Les grandes feuilles amollies qui forment le dôme des vents. À présent, c'est une belle vie. Yeah. folie. Comme je faisais autrefois. Les grandes feuilles amollies forment le dos des bois. Bravo, Mr. John for Drum. Benjamin, bonjour. Ah.